السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، الحديث الحادي والعشرون. دابخ أبي عمرو، إلى تدي أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه كيادي جدي ومساجد الله d'Allah صلى الله عليه وسلم، dis-moi une parole sur l'islam au sujet de laquelle je ne questionnerai personne d'autre que toi. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai cru en Allah, puis chemine sur le droit chemin. Qul amantu billahi thumma istaqim. Rapporté par Muslim. Ce hadith fait partie de Jawami' al-Kalim, qui a été donné au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous disons Jawami' al-Kalim, comme cela a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il lui a été donné Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire qu'il lui a été donné, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, le fait de dire en quelques mots ce qui englobe énormément de sens. Ce que l'on trouve dans ses propos, sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, ce hadith et cette réponse donnée par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce noble compagnon. Une réponse donc qui englobe toute la religion de l'islam, en une phrase. Il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, dit « j'ai cru en Allah, puis chemine sur le droit chemin. » Le noble savant, le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafizahullah, nous dit, en commentaire de ses propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Le prophète a répondu à ce compagnon par une réponse qui contient peu de mots et de larges sens. Et cela fait partie de Jawami' al-Kalim, qui lui a été donné, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, dit, j'ai cru en Allah, puis chemine sur le droit chemin. Il lui a donc ordonné de prononcer par sa langue sa foi en Allah, qui englobe la foi en lui, subhanahu wa ta'ala, et en tout ce qui est venu de lui, dans son livre, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il entre donc dans cela les choses cachées et les choses apparentes de la religion. Car la foi et l'islam sont des mots qui, lorsqu'ils sont cités ensemble, voient leur sens partagé entre eux. La foi devient donc pour les actes intérieurs, donc l'iman, et l'islam, la soumission pour les actes apparents. Et lorsqu'un seul des deux mots est cité, comme dans ce hadith, alors il englobe les actes apparents et cachés, donc intérieurs et extérieurs. Intaha kalamu rahimahullah. Donc nous voyons, premièrement, que ces premiers propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons, englobe toute la religion. Car comme cité, la foi et la soumission, al-iman ou al-islam, lorsqu'ils sont cités séparément, englobent les deux sens, de la soumission. Donc par les actes intérieurs et par les actes extérieurs. Donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala de manière intérieure, par la foi en lui, la foi en sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, la foi en son unité dans l'adoration subhanahu wa ta'ala, la foi en son unicité dans l'adoration subhanahu wa ta'ala, la foi en sa perfection dans son nom et attribut, la foi en ses anges, en ses livres, au jour dernier, aux messagers, au destin qui soit favorable ou défavorable, et la foi en tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il englobe la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala de par les actes apparents, la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et le délaissement de ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Donc cela englobe toute la religion, de manière apparente et de manière cachée. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, thumma staqim. Ensuite, chemine sur la voie droite, sur le droit chemin. Il nous dit, hafizahullah. Et après sa foi, sa certitude et sa fermeté, il lui a été ordonné, donc au serviteur, de se tenir droit sur cette vérité, cette guidée, et de continuer sur cela, comme il l'a dit, azza wa jal, d'après l'essence du verset. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. C'est-à-dire, soyez constant sur son obéissance et sur celle de son messager, de telle sorte que lorsque votre terme arrivera, il vous rencontrera alors que vous êtes sur un bon état, complètement soumis à Allah. Puis il nous dit, hafizahullah, et Allah a certes détaillé dans son livre la récompense de ceux qui ont cru et se sont tenus droit et se sont tenus sur le droit chemin. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, puis se sont tenus sur le droit chemin, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Surat Fussilat, verset numéro 30. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc nous voyons que ce hadith concorde avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, d'après l'essence du verset, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah. Donc cela, avec la parole, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Ici, la seigneurie est citée, et ce qui est voulu est aussi la divinité. Car, comme cela est pour l'islam et l'iman, lorsqu'ils sont cités ensemble, alors l'un englobe le deuxième, cela est pareil pour la seigneurie et la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est citée seule, alors cela englobe aussi la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah, donc notre Seigneur, notre seule divinité que nous adorons, subhanahu wa ta'ala, puis se sont tenus sur le droit chemin, donc, thumma staqim, en étant constant sur cela, jusqu'à leur mort, alors les anges descendront sur eux, en leur disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas attristés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Ce hadith, donc, pousse le croyant à constamment chercher l'istiqama, la droiture, et le fait de cheminer sur cela. Et le pousse à constamment se remettre en question. Fait-il partie des gens de l'istiqama ou non? Cela par le fait d'accomplir les actes obligatoires, de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, et d'être constant sur cela. Comme le fait d'être constant sur la demande de repentir, cela pour les manquements dont il fait preuve et pour les erreurs qu'il peut accomplir. Que cela lui soit apparent ou non. Tout comme il fut rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyidul Muttaqin, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa journée 70 fois. Dans certaines versions, 100 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le musulman accourt à parfaire sa religion de manière apparente et cachée, par la croyance, les paroles et les actes, en étant constant dans cela pour obtenir la récompense et la bonne annonce citée dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a dit d'après l'essence du verset, « N'ayez pas peur et ne soyez pas attristés et faites bonne annonce du paradis qui vous a été promis. » N'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce que vous trouverez et de ce vers quoi vous vous dirigez. Et ne soyez pas attristés, c'est-à-dire quant à ce qui est passé. هذا سائلين الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم وهو القائل واسأل الله من فضله أن يمن علينا بالاستقامة حتى نلقاه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce immense de nous compter parmi les gens de l'istiqama, cela jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, le 22e hadith d'après Abi Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, radiyallahu anhu. Un homme a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: vois-tu, si je prie les prières obligatoires, jeûne le mois du Ramadan, m'en tiens à ce qui est illicite et délaisse ce qui est défendu, est-ce que je n'ajoute rien à cela, est-ce que j'entrerai au paradis? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: oui. Rapporté par Muslim. Ce hadith contient plusieurs fawaïd. Parmi ceux-là, premièrement, l'engouement qu'avaient les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam dans l'apprentissage de leur religion auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme nous tirons de ce hadith l'énorme attachement qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'au-delà et quant aux causes permettant l'entrée au paradis. Cela comme il fut rapporté dans le Sahih de Muslim. Le récit du compagnon se trouvant proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant un combat, avant une bataille. Ce compagnon avait une date dans la main. Puis il questionna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quelle est ma récompense si je meurs dans ce combat? Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam: tu as le paradis. Ce compagnon a alors jeté la date de ses mains et a couru vers le combat. Puis, lorsqu'il fut touché par l'ennemi, il dit: j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. J'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. Fuztu wa Rabbi al-Kaaba. Radiallahu anhu wa les sahabati ajma'in. Et parmi les fawaïd de ce hadith, le fait de savoir que celui qui se contente des actes obligatoires et délaisse ce qui est interdit sans faire d'actes surrogatoires fait partie des gens du paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, na'am, c'est-à-dire oui, tu feras partie des gens du paradis. Cela comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: ensuite, nous fîmes héritiers du livre ce que nous avons choisi parmi nos serviteurs. Il en est parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur la voie moyenne. Donc ceux-là sont al-muqtasidun, ceux qui font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et délaissent ce qu'Allah interdit. Puis nous dit subhanahu wa ta'ala: et d'autres qui, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres. Donc ceux-là sont as-sabiqun, qui sont au-dessus, qui seront ceux qui font ce qui est obligatoire, délaissent ce qui est interdit, et en plus de cela, font ce qui est surrogatoire et délaissent ce qui est détestable. Puis il nous dit, subhanahu wa ta'ala, telle est la grâce infinie. Puis, à la suite, Allah cite la récompense, les récompenses accordées à ces catégories de croyants. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or et de perles, et leurs vêtements seront de soie. Sourate Fatir, verset numéro 32. Et parmi les fawaïd de ce hadith, de savoir que les œuvres sont une des causes de l'entrée au paradis. Nous tirons aussi de ce hadith l'importance de la prière, du jeûne, qui ont été cités dans le hadith. Puis, quant à l'aumône et le hajj, qui n'ont pas été cités dans le hadith, donc les gens de science ont cité plusieurs points, plusieurs manières de comprendre cela. Parmi ce qui a été cité, il est le fait qu'il se peut que lorsque le questionnaire a posé la question, le hajj n'était pas encore légiféré. Et que la zakat, et que le questionneur n'était pas riche mais pauvre, donc pas imposable, et donc la zakat n'a pas été citée pour lui. Ou il a été dit que le hajj et la zakat entrent dans la fin du hadith, lorsqu'il a dit وأحللت الحلال وحرمت الحرام. Donc je considère le licite comme licite, donc je le fais. وحرمت الحرام, je délaisse l'illicite et je le considère comme interdit. Nous avons aussi dans le hadith une réfutation à certaines sectes parmi les soufis qui prétendent n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pas par espoir de son paradis ou bien par crainte de l'enfer, mais par amour seulement. Donc cela est un égarement. Cela est un égarement, car le musulman adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, peur et espoir. Comme Allah l'a cité dans le Coran à propos de ses prophètes et ses messagers, en disant subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Donc certes, ils accouraient au bien et nous adoraient avec effroi, avec peur et envie. Ar-raghba, qui est l'espoir. Donc le musulman adore Allah subhanahu wa ta'ala par peur de son châtiment, par espoir de sa récompense et par amour envers lui subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous trouvons cela dans sourate al-Fatiha, lorsque le musulman dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc il fait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala pour la perfection qu'il a subhanahu wa ta'ala dans ses nombreux attributs, dans son essence, dans ses actes subhanahu wa ta'ala qui tournent autour de la sagesse, de la grâce, de la justice. Donc cela est l'amour. Car en arabe, Alhamd ne se dit que pour des éloges faits avec amour. Donc le croyant aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, qui sont deux noms de miséricorde à travers lesquels le croyant espère en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis sa parole Maliki Yawmiddin, qui rappelle le croyant le jour des comptes où Allah subhanahu wa ta'ala le jugera, qui pousse le serviteur à craindre le châtiment de ce jour-là. Et les preuves montrant cela sont nombreuses dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrant que le croyant adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, peur et espoir. Et cela a été cité par les gens de science comme étant l'exemple de l'oiseau qui aura l'amour pour tête. L'amour qui va être la base pour tête. Donc cet oiseau, si jamais sa tête lui est retirée, il n'aura plus de vie. Donc cela est pareil pour le croyant. S'il n'aime pas son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors il n'aura plus de foi. Quant à l'espoir et la peur, ils seront ses ailes, donc, avec lesquelles il pourra se diriger, éviter les obstacles, ou bien emprunter un chemin qu'il souhaite. Donc le croyant sera pareil avec la peur et l'espoir. À certains moments, il fera pencher la peur, il mettra la peur au-dessus, selon l'état dans lequel il est, et à certains moments, il fera en sorte de faire pencher et de mettre en avant l'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce, de nous compter parmi ses serviteurs sincères, de nous réformer, de corriger nos manquements, de nous pardonner nos fautes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.